arrivée dans ce froid France, c'est Fiction. Et c'est ça que les e-commerçants attendent. Sinon, c'est une marque à la plus ici. Plus d'informations sur la peau. Vous avez fait des entretiens vous-même. Même chose en rénovant vous-même votre maison. Toute votre maison. Quoi dépenser dans la vie quand on peut la fabriquer sur l'air. Et après avoir ce temps, vous n'en avez pas souvent pour bénéficier. À la machine, compagnie dans la gestion. Moi, quel que soit vos revenus. C'est plus juste. C'est ça aussi. Mathieu Patrick, mon métier. Information aujourd'hui. Information.